téléphone, ton anniversaire et Milly, ce sera dimanche, je t'appellerai, je bégayerai. En secret, Emily. Dans ma classe, les filles sont bêtes, elles se moquent de moi. Toi, tes lunettes, ton air intello, je veux te baiser, Emily, je t'aime en secret. J'ai noté ton anniversaire, mais je n'oserais pas t'appeler Emily.